Voici Jean Leclerc, l'homme qui éclaire le passé. Cette semaine, en deuxième diffusion, la guerre du Golfe. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Tous les regards du monde se porteront donc sur Genève ce matin. La guerre ou la paix, c'est aussi simple, c'est aussi grave que cela. Nous n'avons aucun grief ni ressentiment à l'égard du peuple irakien. Notre problème, c'est son gouvernement. Tout ce matin, l'exode a repris. Histoire vivante, cette semaine, les dessous de la guerre du Golfe. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Je pense qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Je crois qu'on a sous-estimé d'ailleurs la détermination depuis le début de Saddam Hussein. De la crise de Suez à la tempête du désert. 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël. Avec les Marines, on a pris le Koweït en 24 heures. L'armée de terre a traversé le sud de l'Irak et l'a pris aussi en 24 heures. Aujourd'hui, la crise pétrolière et le changement de régime en Iran. Année 1959, 3 ans se sont écoulés depuis la crise de Suez. L'Égypte a réussi à nationaliser son canal. Ce n'est pas sans doute pour avoir le simple privilège de voir naviguer des navires sur des eaux qui leur appartiendraient. Il est évident que le cœur de la question a à voir avec un tout autre liquide, infiniment plus noir, celui-là, au sens propre aussi bien qu'au figuré. D'ailleurs, en cette année 1959, s'ouvre au Caire la conférence sur le pétrole à laquelle sont prioritairement invités les pays qui ont du pétrole. Pas des idées, du pétrole. Sur les ondes de la radio romande, on parle bien sûr de cet événement au miroir du monde de ce 16 avril 1959. C'est aujourd'hui que s'est ouverte au Caire la conférence du pétrole. Des panneaux publicitaires s'étalent depuis de nombreux jours dans les rues de la capitale égyptienne, reproduisant largement la formule « le pétrole arabe pour les Arabes » et informant les passants que ceux-ci détiennent 51% des réserves mondiales et 63% des réserves situées en dehors des pays communistes. En d'autres termes, le but du congrès convoqué par le gouvernement égyptien est clair. Il s'agit de procurer à longue échéance aux pays arabes exclus du pactole pétrolier une part des redevances payées par les compagnies concessionnaires. À ce congrès du Caire, on trouve justement 35 de ces compagnies pétrolières, mais l'Irak, elle, brille par son absence. L'Iran et le Venezuela ont envoyé, eux, des observateurs. Interrogé sur les préparatifs de ce congrès, le secrétaire général de la Ligue arabe, Monsieur Hassouna, son Excellence, Monsieur Hassouna, définit le sens de cette réunion. Le pétrole représente une richesse nationale que ces États entendent exploiter rationnellement dans l'intérêt de leur peuple. Il serait peut-être utile de préciser ici que l'idée de la convocation du Congrès procède d'une intention exclusivement culturelle tendant à développer les connaissances des peuples arabes au sujet de pétrole afin d'amener les cercles compétents à former une génération de jeunes préparés à aborder de champs d'activité pétrolière et afin de renseigner ces peuples sur l'importance du pétrole en tant que source précieuse de revenus national, susceptible de contribuer au relèvement du niveau d'existence et d'assurer le bien-être. Ah oui, du côté des pays arabes, on a effectivement bien écouté Alfred Sauvy, le théoricien du tiers-monde, et l'on est bien décidé à se débarrasser au plus vite de cette funeste étiquette. Mais il est évident également que ce fameux or noir va être à l'origine d'un grand nombre de conflits d'intérêts à l'intérieur même des pays qui le produisent. Mais avant d'évoquer ces chapitres sanglants, entamons un petit retour en arrière pour évoquer l'histoire du pétrole. Chapitre 1, curriculum vitae du fameux or noir. Il y a longtemps que le pétrole irakien étonne le monde par son abondance et sa qualité. Quand Alexandre de Macédoine atteignit la région de Kirkouk, les habitants, pour honorer le vainqueur, répandirent de l'huile sur le sol et, en signe de bienvenue, y allumèrent leurs torches. Saisi d'une curiosité qui se compliquait d'émerveillement, Alexandre ordonna qu'un échantillon de ce liquide mystérieux fût déversé sur l'un de ses pages, qu'on y mit le feu, histoire de voir. Le page infortuné flamba bel et bien. L'Irak n'existait pas encore, à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était alors deux provinces ottomanes, qu'on se préoccupait déjà fort de son pétrole. En particulier, le jeune Winston Churchill, alors lord de l'amirauté, il savait bien que les navires marcheraient bientôt tous au mazout et non plus au charbon. Des intrigues innombrables, riches en péripéties, mais que nous n'avons pas le temps, je crois, d'évoquer ici, aboutirent à la naissance de l'Irak Petroleum Company. Deux parts anglo-hollandaises, une part française, une part américaine. Un arménien rusé, le bien connu et feu M. Gulbenkian, servit de négociateur. Il sut faire octroyer 23,75% des actions à chacun des quatre partenaires. Ainsi, avec les 5% qu'il garda, il devint l'homme essentiel, le seul à pouvoir faire une majorité. C'est le 15 octobre 1927, après des années de prospection, que le pétrole jaillit à Baba Gourgour. Le nom de ce puits, Baba Gourgour, est une onomatopée. L'éruption fut si violente qu'elle tua deux sondeurs. Elle projeta d'ailleurs en l'air le Derrick. Échappant à tout contrôle, le flux persista durant une semaine. Il fut impossible à maîtriser, à la merci d'une allumette, terrifiant les populations. Et ces populations étaient toutes prêtes à maudire les découvertes de ces étrangers de malheur. Les étrangers, eux, exultaient. Ils surent bientôt canaliser cette force, ordonner la méticuleuse industrie du pétrole, du glouglou de Baba Gourgour au réservoir d'automobiles ou de briquets, au nylon, au savon, au rouge à lèvres, bref, à tous les dérivés de Sa Majesté l'or noir. En 1959, Charles-Henri Favreau se rend en Irak pour la radio romande au gisement de Kirkouk, un des plus grands gisements du monde, et rencontre là-bas un ingénieur français qui lui indique l'étendue de ce gisement. À peu près 60 000 de long, ce qui fait quelque chose comme 100 km. Il est très, très peu étroit, enfin, il est très long et étroit, il ne fait que 3 ou 4 km au maximum en largeur. Alors c'est certainement un des plus gros gisements qui existe et qui soit en production à l'heure actuelle. Alors nous étions tout à l'heure à une unité de dégazage, une station de dégazage. Le brut, débarrassé d'une partie de son gaz, est envoyé jusqu'à la station de stabilisation, dont le rôle est d'enlever, en même temps que le reste du gaz, l'hydrogène sulfuré que contient le brut de Kirkouk. Le gouvernement irakien a fait des plans pour récupérer la plus grande partie de cette énergie. D'une part, en récupérant le soufre pour l'utiliser à faire de l'acide sulfurique et des engrais, et démarrer une certaine industrie chimique dans le pays. Et d'autre part, le gaz désulfuré serait utilisé à des fins domestiques. Le gisement de Kirkouk donne en ce moment produit au rythme de 25 millions de tonnes par an, ce qui est à peu près ce qui représente la consommation de la France. Il y a une comparaison de chiffres qui est assez frappante. Un puits moyen aux États-Unis produit de 10 à 20 barils par jour. Un puits moyen à Kirkouk produit entre 10 000 et 20 000 barils par jour. Mais l'Irak est encore un état artificiel aux frontières imprécises. Depuis 1916, l'Irak est constitué à partir de trois anciennes provinces turques, Bagdad, Bassora et Mossoul. Une formule résume cet état de fait. L'Irak est une folie de Churchill qui a voulu réunir deux puits de pétrole que tout séparait, Kirkouk et Mossoul, en unissant trois peuples que tout séparait, les Kurdes, les Sunnites et les Chiites. Chapitre 2. Sunnites, chiites, hachimites. What is it? 24 ans après la mort de Mahomet en 656, s'éclate une guerre de succession entre le gouverneur de Syrie et un gendre de Mahomet. Pour les partisans, chiites en arabe, les partisans de Mahomet, le califat ne peut revenir qu'aux descendants du prophète, tandis que pour les orthodoxes de la nouvelle religion, les futurs sunnites, tout le monde peut devenir calife. Les deux parties s'affrontent, les chiites sont battus. Aujourd'hui, ils représentent environ 10% des musulmans, présents surtout en Iran. Les hachémites, eux, sont les gardiens des lieux saints de l'islam. En 1914, Hussein ibn Ali est convaincu par Laurence d'Arabie de prendre la tête de l'insurrection contre les Turcs en échange du trône d'une grande Syrie. Extrait des sept piliers de la sagesse, Thomas Edward Lawrence, alias Lawrence d'Arabie. C'est alors que quelques Anglais estimèrent qu'une révolte des Arabes contre les Turcs permettrait à l'Angleterre de vaincre la Turquie, alliée de l'Allemagne. Ils pensèrent que le résultat d'une telle révolte serait favorable. Ils indiquèrent son caractère et ses méthodes. Ces méthodes consistent à faire appuyer les opérations de l'armée britannique d'Égypte par une révolte générale des Arabes. Pour prix de cette aide, les Anglais leur accorderont l'indépendance sur toute l'étendue des territoires libérés du joug ottoman. Une indépendance pour les Arabes reconnue par sa très gracieuse majesté. Nous sommes en 1914. Mais la réalité aura tôt fait de faire exploser cette belle idée ou, si vous préférez, cette inconséquente proposition. Et 30 ans plus tard, toute cette région est le théâtre permanent de bouleversements chroniques et d'instabilité politique. L'Irak en est une parfaite vitrine. Chapitre 3. Zoom avant sur l'Irak. L'Irak qui, en 1958, renverse sa monarchie pro-occidentale. Le roi Faisal y laisse sa vie, son premier ministre est lapidé par la foule. Le nouveau chef du pays est le général Qassem. 5 ans plus tard, il se promène dans la rue, enfin disons plutôt que sa tête se promène dans la rue au bout d'une pique. Et l'on arrive à 1968. Il est 19h, vous écoutez le premier programme de la Radio Suisse romande. Voici nos informations. Eh bien, la nuit dernière donc, un groupe de généraux a pris le pouvoir en Irak. Le président Aref aurait été placé à bord d'un avion qui aurait quitté Bagdad vers une destination inconnue. Les auteurs du coup d'État n'ont pas dû rencontrer une grosse résistance puisque tout s'est déroulé sans effusion de sang. Les nouveaux maîtres de l'Irak, groupés dans un conseil du commandement de la révolution, reprochent en vrac au régime Aref d'avoir affaibli l'armée, d'avoir fait preuve de mansuétude vis-à-vis des valets d'Israël et de n'avoir rien fait pour trouver une solution définitive au problème de la minorité kurde. Un nouveau président de la République a été nommé, il s'agit du général Ahmed Hassan al-Bakr, qui avait présidé le premier gouvernement après le coup d'État bassiste du 8 février 1963. Peu de réactions encore à la suite de ce coup d'État, le Caire garde le silence. En revanche, en Israël, on avance que le complot pour renverser le président Aref a probablement été organisé par la fraction de droite du parti Baas. Et oui, c'est le parti Baas qui accède au pouvoir. C'est un parti pan-arabe avec un grand projet géopolitique, faire l'unité du monde arabe, à commencer par celle des pays artificiellement morcelés par les Occidentaux au lendemain de la Première Guerre mondiale. Reste le programme du nouveau régime évoqué par Benjamin Romieux. Eh bien, ce programme s'ouvre sur une pétition de principe. La révolution est la seule voie que puissent suivre les masses pour parvenir à leur libération politique et sociale. Aux paysans, la nouvelle junte promet l'amendement de la loi sur la réforme agraire qui doit permettre d'augmenter la production en sauvegardant les intérêts des fellahs. Mais c'est sur l'épineuse question pétrolière que le programme du Conseil du commandement de la Révolution se montre particulièrement menaçant à l'égard des compagnies étrangères en promettant une politique pétrolière nationale indépendante des monopoles internationaux. En effet, les nouveaux dirigeants irakiens proclament que les Irakiens eux-mêmes assureront l'exploitation des ressources naturelles du pays. Autrement dit, les compagnies pétrolières étrangères sont prévenues. Il va falloir envisager, comme en Égypte, 12 ans auparavant, la nationalisation ? Nationalisation, c'est beaucoup dire, mais elle désirait en tout cas que désormais les compagnies pétrolières étrangères qui travaillent en Irak ne jouissent plus du privilège d'exterritorialité, ne se comportent plus en Irak comme un État dans l'État, mais servent l'État irakien et traite des questions pétrolières au travers une compagnie nationale qui serait la gérante des intérêts de l'État. Voilà le point de vue de Pierre Rossi, bon connaisseur de l'Irak, point de vue qu'il exprime en 1968. En gros, on se dit que ce coup d'État va probablement décoincer ce vaste pays aux 16 millions d'âmes et on est raisonnablement confiant dans l'avenir des relations avec ce pays. On respire, on peut même écouter un peu de musique. Les chants d'amour perses avaient une voix. Soucha, chanteuse populaire, interprète Aysar Kotal, au sommet de la colline. Aysar Kotal, Poin Kotal, Vaidodarou. Joye de gar o sheno shod joye mavel kardo gozoshra ye gol saye kamar saye kamar taze shekofte تازه شکفته نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم بی بریم شاه چراغ شاه چراغ عدی ببندیم عدی ببندیم هر کدوم عد بشکنیم عد بشکنیم کمن نبندیم کمن نبندیم مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم بی بریم قبل کدی خالی کنیم فرش خالی کنیم فرش قوریای سرخ و سفید سرخ و سفید منقل پرتش منقل پرتش مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم مسوم مسوم مسوم تیغت بریده شستم Chapitre 4, 5 ans plus tard, les mêmes en plus vieux. Enfin, ceux qui sont encore en vie. L'Irak a peu fait parler d'elle pendant 5 ans. Nous arrivons en 1973 et là, quelques hoquets surprennent nos journalistes. La mort du ministre irakien, le général Ahmad Shihab, les coups portés également contre le ministre de l'Intérieur, le général Gaïdan, deux personnages clés du gouvernement irakien, intriguent au plus haut point les observateurs. Dans l'immédiat, il est encore prématuré de se faire une idée précise de l'origine des incidents d'hier. Les observateurs ne sont pas toutefois sans souligner que la présence du directeur de la Sûreté Générale en personne parmi les comploteurs montre une certaine fragilité dans la situation actuelle intérieure. Aussi, le président Bakr, qui rappelons-le, est au pouvoir depuis l'année 1968, devra-t-il se tenir sur ses gardes au cours des semaines à venir? Le fait que les comploteurs tentaient avec leurs détenus de gagner la zone frontalière irako-iranienne quand ils ont été rejoints par les soldats irakiens, ce fait donc est assez curieux. Curieux sans doute, mais il ne semble pas qu'il y ait de quoi fouetter un chat. Et puis, tout ça est loin et ne devrait pas trop alerter l'homme de la rue. Mais voilà, l'internationalisation des crises est un domaine en pleine évolution, en pleine dynamique. C'est un secteur très porteur, promu à un bel avenir. Et un mois plus tard... La Standard Oil tire 50% de sa production de l'Arabie Saoudite. Et depuis quelques mois, le roi de cette éponge gorgée de pétrole fait pression sur les États-Unis. Attention, si vous continuez à soutenir Israël, nous diminuerons, puis peut-être nous arrêterons nos fournitures de pétrole. Et les nains et le géant seront promptement asphyxiés. Vous savez que les États-Unis importent chaque année entre 1 milliard et 2 milliards de dollars de produits pétroliers. D'ici 7 ans, ils en seront pour 15 à 25 milliards de débours. Une crise énergétique menace le monde, et jusqu'ici, les gouvernements se sont laissés empêtrer dans leurs petites affaires. Outre vos week-ends qui sont menacés, ce sont aussi les usines qui pourraient être touchées. Pour l'instant, aucun pays arabe n'a diminué ses livraisons ni refusé de vendre de pétrole. Mais ils pourraient le faire sans risque. Ils ont accumulé suffisamment de réserves d'argent pour voir venir, et comme leur pactole sera épuisé d'ici 10-20 ans, ils ont tout intérêt à retarder l'échéance. Bref, le gouvernement israélien se demande si cette circulaire constitue le coup d'envoi d'une vaste campagne de pression sur le gouvernement des États-Unis afin qu'il conduise une politique plus équilibrée au Moyen-Orient, c'est-à-dire plus proche de celle des États arabes que de celle d'Israël. Dès lors, la suite va immanquablement faire penser à la théorie des dominos et la Suisse est dans la file. Le directeur du groupe Total en Suisse. Dès janvier 1974, les produits pétroliers ont augmenté fortement, les coûts, comme tout le monde le sait, et nous n'avons pas pu reporter l'augmentation des coûts sur les prix de vente à la colonne. En effet, nous sommes limités par les arrêtés fédéraux. La vente maximum, le prix maximum est à 85 centimes pour la super. Et depuis plusieurs semaines, nous négocions avec les autorités compétentes en vue d'une augmentation de ce prix à la colonne. Le tout est de savoir si ce méchant responsable aurait quelques circonstances atténuantes. Allez-y, défendez-vous, mon vieux. Je suis responsable de la marche financière de la filiale en Suisse. Et actuellement, nous perdons pas loin d'un million par mois. Et je ne peux pas prendre à ma charge cette hémorragie, étant donné que mon groupe m'a fait savoir qu'en aucun cas, il ne pouvait compenser cette perte ni changer ses prix d'approvisionnement. Et voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute du groupe. L'Occident est parti pour sa première grande crise énergétique, la crise du pétrole. Cette fois, les problèmes lointains font écho jusqu'à la pompe et forcément, ça interpelle les consciences. Enfin, surtout, ça promet de gâcher les week-ends. Il va falloir envisager de rouler moins, pourquoi pas un dimanche sur quatre pour commencer. On verra par la suite si ça se détériore. Dans le Proche-Orient, un seul pays pour le moment semble ne pas jouer la pression pétrolière. L'Iran, le second producteur de pétrole, a promis de ne pas se laisser impressionner et de fournir du pétrole, même si ses voisins font la grève. Oui, mais l'Iran, c'est le chat, et puis le pétrole devenu unique sera livré à quelles conditions ? Oui, l'Iran, c'est le chat, et le chat est lié aux États-Unis depuis toujours. Une rencontre avec le chat d'Iran, c'est ce que nous propose le 23 octobre 1964, un certain envoyé spécial de la radio suisse romande que vous allez tout de suite reconnaître. Au micro, Christian Soulcer. L'Iran, trois fois la superficie de la France, mais 22 millions d'habitants. 14% des réserves mondiales de pétrole. 80% d'illettrés. Immense pays sous-développé. Une forte armée, une police secrète qui ne badine pas et prend son travail fort au sérieux dans la pénombre de ses bureaux. Un parlement, un premier ministre, fidèle exécutant du guide, le Shahinshah, l'empereur qui dès lors non seulement règne mais gouverne. Je suis allé rendre visite au monarque. Pas de salam alek, l'empereur tend la main, reçoit simplement. Complet bleu, lunettes d'écaille, un beau regard un peu triste, cheveux gris. Curieux monarque en fait. Ce que nous cherchons dans le monde, c'est naturellement de développer notre pays et avoir une paix, si c'était possible, universelle. Tout en sauvegardant notre indépendance, notre liberté d'action. Naturellement, tout ce qui pourrait servir à l'idée d'une paix dans le monde nous plaît. Cette image d'un pays stable et équilibré en plein essor économique grâce à sa réforme agraire que le chat souhaite offrir aux interlocuteurs occidentaux qui viennent lui rendre visite, cette image n'en a plus hélas pour très longtemps existé. Chapitre 5, 10 ans plus tard, on rigole plus. Le 11 février 1979, vers 13h, voici le coup de téléphone qu'Yves-Paul Vincent adresse à la rédaction de Radio France. L'insurrection populaire gagne du terrain à Téhéran. Le périmètre des combats s'est étendu maintenant à une grande partie de la capitale. Au moment même où je vous parle, des hommes en armes tentent d'investir une des principales antennes de la radiodiffusion iranienne. Nous y étions tout à l'heure. Le bâtiment est encerclé d'hommes armés, certains en civil, d'autres en tenue kaki. Si je précise ce détail, c'est parce que je n'ai pas vu à cet endroit les soldats en uniforme bleu appartenant à l'armée de l'air qu'on peut voir en très grand nombre dans les quartiers est aux environs de la base d'Ushan Tapé. Et ce périmètre, celui de la radio, est actuellement l'un des points chauds de Téhéran. Il y a plus inquiétant. J'ai été le témoin ce matin d'une exécution sommaire à quelques dizaines de mètres de la radio. Sur des indications de la foule, un homme a été désigné à un milicien comme appartenant à la SAVAK. Au moment où il s'apprêtait à monter dans une voiture, le milicien s'est approché de lui et calmement l'a exécuté à bout portant au moment précis où arrivait une ambulance. Plusieurs commissariats de police sont tombés aux mains des manifestants. Des témoins ont vu un dépôt d'armes investi par plusieurs centaines d'hommes. Les militaires qui en assuraient la protection l'ont apparemment ouvert aux manifestants et on a vu les armes, mitraillettes et mitrailleuses, sortir en pièces détachées par centaines. Les événements se déroulent à une telle rapidité qu'on a ici le sentiment que personne, ni Chapour Bakhtiar, ni même l'Ayatollah Khomeini, n'en contrôle le cours. Il semble même que le mouvement religieux que dirige le vieux chef chiite soit sensiblement débordé. J'ai vu tout à l'heure des mollahs, c'est-à-dire les prêtres du clergé chiite, passer dans les rues et crier dans des haut-parleurs « Rendez les armes, ce n'est pas encore la guerre sainte ». Oui, Chaborbakhtiar est encore Premier ministre, mais la liste pour le moins interminable des concessions qu'il fait à ses adversaires et qu'il confie à Jean-Marie Ether, qu'il rencontre quelques jours plus tôt, laisse planer une atmosphère de dernière cartouche. Écoutez, j'ai mis les adversaires en garde. J'ai ramené un calme relatif. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Et même, ils dépassent les limites légales. J'ai libéré tous les prisonniers politiques. J'ai donné, et je fais voter par le Parlement, les lois contre les corrupteurs et tous ceux qui ont, pendant des années, ont fait ceci et cela. J'ai aboli le SAVAK. Bon, tout ceci est dans la voie, justement, de la démocratisation. Le clergé chiite, désormais, règne. Le Shah d'Iran est exilé à vie. Il ne remettra plus jamais les pieds en Iran. Le Premier ministre Chaborbakhtiar est limogé. Il sera abattu à Paris en 1991. Au cours des 20 dernières années, près de 300 Iraniens installés à l'étranger ont été assassinés par des agents du gouvernement iranien. Dans une conjonction historique phénoménale, quasiment au même moment, Saddam Hussein, qui vient d'avoir 42 ans, arrive au pouvoir. 6 mois après, les deux pays entrent en guerre. Demain, dans Histoire vivante, nous évoquerons les 8 années de guerre que se sont livrées les deux pays. En 1968, Guy Béard a son émission à la télé. Elle s'appelle « Bienvenue ». Il y chante souvent le grand chambardement. La terre perd la boule et fait sauter ses foules. Voici finalement le grand, voici finalement le grand chambardement. Un grain de sable explose, un grain c'est peu de choses, mais 2, 10, 100, ça c'est intéressant. Voyez, messieurs, mesdames, dans l'univers en flammes, entre les hommes neutrons, la danse des neutrons, c'est l'atome en goguette, le ping-pong des planètes, la lune fait joujou. 5, 4, 3, 2, 1. Et met la Terre en joue, c'est la grande escalade. Les monts en marmelade, sous le rayonnement du grand, sous le rayonnement du grand chambardement. Place pour le quadrille, des fusées, des torpilles. Ce soir, c'est le grand bal, la terre des vers globales. Voyez les belles phrases, la Chine table rase, se crépant le chignon. À coups de champignons sur les montagnes russes, passés au bleu de Prusse, les bons gars du Far West. 5, 4, 3, 2, 1. Ont bien tombé la veste. Regardez qui décide ce joyeux génocide, qui dirige vraiment le grand, qui dirige vraiment. Le grand chambardement, ciel, ce sont les machines divines qui nous crient en avant, en langue de savant, que les calculatrices sur le feu d'artifice alignent leurs zéros comme des généraux. Elles ont fait merveille, bravo pour ces abeilles. On décore à 7 heures. 5, 4, 3, 2, 1. Le grand ordinateur, nous finirons la guerre. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker.